Où en est-on avec les enquêtes et à quand la justice pour ce journaliste et finalement pour le peuple qui réclame la tête des présumés coupables ou la tête des coupables? Le peuple réclame toute la lumière sur l'affaire. Alors, président Badakani, le chef de l'État camerounais en ce qui le concerne, a pris cette affaire à bras le corps et a demandé que justice soit rendue. Déjà, les enquêtes sont en cours. Mais d'abord, bon. Le président ne s'est pas exprimé sur cette affaire. Il ne s'est pas exprimé. Bon, c'est un grand taiseux. Hein. Il ne parle pas beaucoup. C'est connu, c'est son style. On a quand même lu sur les antennes. Oui, c'est le secrétaire général de la présidence qui nous a habitués à cette formule-là, sous hautes instructions. Les instructions ne sont pas la parole du président. Les instructions ne sont pas la parole présidentielle. Les instructions sont des instructions, mais la parole présidentielle, on ne l'a pas eue dans cette affaire. Quand je suis tenté de dire que c'est dans le style du président. Il ne parle pas beaucoup. Donc, je ne suis pas là pour juger le silence du président, mais c'est la vérité qu'il ne s'est pas exprimé cette affaire. Alors que le secrétaire général de la présidence nous dit que sous instruction... Mais ça ne veut pas dire qu'il ne suit pas cette affaire. C'est évident. C'est évident. Je pense que le président a son style, c'est connu. C'est ça, ça là-dessus. Ce n'est pas un bavard. Il ne bavarde pas. Il est réservé. Il ne parle pas. Voilà. Il y a le moment où on voudrait qu'il parle. Il ne parle pas. C'est le style du président, c'est sa conception de l'état, de la fonction, c'est sa hauteur, c'est la hauteur présidentielle. C'est souvent nécessaire, hein? Il y a des circonstances où c'est nécessaire de prendre du recul. Quand il y a beaucoup de bruit, il y a beaucoup d'agitation, c'est pas mauvais de prendre du recul, pas mauvais. On ne peut pas être d'accord avec ce style, mais je dis que c'est pas mauvais. Ça, c'est avantage, ça, c'est inconvénient. Mais, on n'a pas eu la parole présidentielle, on a des instructions présidentielles, on dit sous hautes instructions, c'est une formule propre à l'état de Cameroun. Depuis Aïdjo, depuis 1960, qui a continué, le secrétaire général dit sous haute instruction. Alors ça, on ne peut pas vérifier. Vous êtes obligé de croire que c'est le président qui l'a instruit parce qu'on se dit qu'il ne faut pas quand même engager le président sans qu'il n'ait l'accord. Mais c'est différent de la parole présidentielle. On peut faire une politologie de ce silence et de la différence entre la parole présidentielle et les hautes instructions du chef de l'État. Ce n'est pas la même chose. Bon, on n'a pas le temps pour ça. C'est toute une mission, il faut beaucoup de temps pour faire une politologie qui instruit une différence entre la prise de parole du président concernant et les hautes instructions. Hautes instructions. Très bien. Donc, le secrétaire général, M. Ngongo, nous a dit qu'il a reçu des instructions qui ont déclenché une enquête. Alors, il faut très bien reconnaître qu'il y a une différence entre une enquête judiciaire et une enquête administrative. Ce n'est pas la même chose. Une enquête administrative, c'est une enquête administrative. Elle se fait avec les moyens de l'administration. Elle se fait sous les conditions de l'administration. Elle se fait en fonction des procédures administratives. Alors, je vous coupe pas. C'est juste pour dire, pour fixer tous ceux qui nous regardent en ce moment, ceux qui regardent Afrique Média à travers le monde entier, de quoi est-il question au Cameroun? Une enquête administrative, une enquête judiciaire? Mais l'enquête administrative, c'est que... Non, pour le cas précis. Oui, mais pour c'est, ceux qui ne connaissent pas ce qui se passe. C'est l'enquête qui a déclenché, oui. M. Ngongo, oui. Par rapport au dossier Martinez Ogo. Il nous a dit que, sur haute instruction du président, une enquête administrative était ouverte. Très bien. Très bien. Et qui mobilisait la gendarmerie et la police. Donc, qui devait travailler conjointement. C'est une enquête administrative. Non, c'est clair. Très bien. Monsieur Ngongo n'est pas un magistrat. On veut continuer. Voilà. Il n'est pas de l'institution judiciaire, Monsieur Ngongo. Ouais. Il est secrétaire. C'est un administratif. Il a beau être secrétaire général, c'est un administratif. Il est ministre secrétaire général. Donc, une enquête, je disais qu'une enquête administrative reste une enquête administrative parce qu'elle se fait avec les moyens de l'administration. Vous comprenez? Elle se fait sous les procédures administratives. Elle se fait en fonction des hiérarchies administratives. On sait ce que ça veut dire. C'est-à-dire quoi, concrètement? Non, ça veut dire que ce n'est pas une enquête judiciaire. Ce n'est pas une enquête judiciaire. Une enquête judiciaire n'est pas une enquête administrative. Parce que une enquête judiciaire suppose que des garanties de défense, d'accusation, des garanties de droit. Vous comprenez? Les garanties que vous avez, n'est-ce pas, en matière de protection de vos droits et de vos intérêts, ne sont pas garanties de la même manière dans le cadre d'une enquête administrative. C'est clair et net. Donc, vous voyez que je ne dis pas que les enquêtes judiciaires ont le monopole de la vérité. Je ne dis pas qu'une enquête administrative ne peut pas produire quelque chose de véridique. Pas ce que je suis en train de dire. Je suis simplement en train de vous expliquer la différence qu'il y a entre les deux. Et dans le contexte camerounais, n'est-ce pas, qui est marqué par une lutte darwinienne des clans les plus avancés au sommet de l'État, qui se battent à mort pour le contrôle de l'appareil de l'État, afin de mettre celui-ci au service de leur projet, de leur projet successoraux, n'est-ce pas, successoraux, pour ne pas dire même de leur projet de coup d'État. Il y en a même qui ne veulent plus attendre la mort du président. Pardon, ils ne veulent plus attendre que le président ne soit plus au pouvoir. Il y en a même qui veulent l'en finir, même là maintenant, là. Ils ne veulent même plus attendre. Donc, vous voyez très bien que lorsque l'appareil de l'État est l'objet de tiraillé dans les batailles administratives de haut niveau, vous ne voulez pas nier, il faut croire que ça n'impactera pas une dynamique d'enquête. D'accord. Vous comprenez ce que je suis en train de dire? C'est pour ça, attendez, c'est pour ça qu'il y a une suspicion, n'est-ce pas, au niveau de l'opinion, sur la valeur de cette enquête administrative. Mais pour l'instant, nous avons des éléments qu'on nous a donnés. 20 personnes ont été arrêtées. 20 personnes ont été arrêtées. Il y a des fuites, tous ces consorts. Ce qui ne veut pas dire qu'une fois l'enquête administrative bouclée, on puisse la mettre à la justice pour qu'elle se saisisse enfin du dossier. D'accord. Ce qu'on sait, c'est que l'affaire suit son cours normal. Et on ne perd rien qu'à attendre. On fait confiance à ceux qui suivent le Mais il faut continuer à maintenir la pression. Merci à beaucoup s'organiser à vous, président Bandakani. Afrique Média, le monde, c'est nous.